إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Donc aujourd'hui on continue l'explication des règles qui concernent les noms et les attributs d'Allah Azza wa Jal à travers le livre de Cheikh Al-Uthaymeen rahimahullah ta'ala qui s'intitule Al-Qawa'id al-Muthla fi sifatillahi wa asma'ihi al-husna, les règles exemplaires des attributs d'Allah et de ses noms parfaits. La semaine dernière, on s'est arrêté à la cinquième règle qui concerne les attributs d'Allah Azza wa Jal, Al-Qa'idatul Khamisa. Et le Cheikh nous a donc dit, à travers cette règle, qui est la suivante, As-Sifatul Thubutiyya tanqasimu ila qismain, dhatiyya wa fi'liyya. Donc on a vu que les attributs qui sont attestés, qui sont à caractère affirmatif, on a vu qu'ils se divisaient en deux catégories. La première catégorie qui était ce que l'on appelle as-sifatu dhatiyya, les attributs qui sont propres à l'essence divine, à l'être divin. Et la deuxième catégorie, as-sifatu fi'liyya, qui sont les attributs propres à l'acte divin. Et la différence qu'il y a entre ces deux, pour bien comprendre chaque catégorie, on avait dit que pour ce qui concernait les attributs qui étaient propres à l'entité divine, propres à l'être divin, c'était les attributs dont Allah Azza wa Jal était continuellement qualifié, qu'il était tout le temps et qu'il continuera d'être qualifié de par ses attributs. Et à titre d'exemple, on avait vu la science, la vue, la sagesse, l'élévation, la grandeur et d'autres encore. Pour ce qui est de la deuxième catégorie, le fi'liya, sont ceux qui sont rattachés à la volonté d'Allah Azza wa Jalla. Donc on voit ici qu'il rentre la volonté, Al-Mashi'a, la volonté d'Allah Azza wa Jal. C'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jal, s'il veut, il fait. S'il ne veut pas, il ne fait pas. Donc on voit bien, c'est une relation avec, une relation directe avec la volonté. Donc ces attributs qui sont sujets à la volonté d'Allah Azza wa Jal. C'est bel et bien ici la différence. On a vu à titre d'exemple, Al-Istiwa ala al-Arsh, l'établissement d'Allah sur son trône. An-Nuzulu ila sama'id dunya, la descente d'Allah Azza wa Jal aux premiers cieux de la terre, ou aux cieux de cette vie d'ici-bas, le premier des cieux. Et c'était donc pour ce qui était des deux catégories. Ici, on pourrait dire une troisième catégorie, ce sont des attributs qui sont considérés sous un aspect comme étant des attributs propres à l'entité divine, et considérés sous un autre aspect comme étant des attributs propres à l'acte divin. C'est-à-dire qu'ils vont rentrer, ces attributs d'Allah Azza wa Jal, qu'ils vont rentrer dans les deux catégories à la fois. Et comment peuvent-ils rentrer dans les deux catégories à la fois alors qu'on a bel et bien mis en évidence auparavant et en début du cours, à titre de rappel, qu'il y a ce qui vient les différencier, ces deux sortes d'attributs. Donc comment se peut-il qu'on va avoir des attributs qui vont entrer non seulement dans la première catégorie, mais également dans la deuxième catégorie? Et c'est ce qu'on va mettre en évidence maintenant, en citant bien entendu un exemple. L'exemple que l'on cite et qui est le plus souvent rappelé par les gens de la Sunna et du consensus, car ça, c'est à propos donc de cet attribut qu'il y a eu une grande divergence et qu'il y a eu l'apparition de l'innovation propre à la croyance et cette innovation qui s'est répandue dans la communauté musulmane. Et cet attribut n'est autre que Al-Kalam, Kalam Allah, c'est-à-dire la parole d'Allah Azzawajal, Al-Kalam. Al-Kalam, qui est la parole. Ça, c'est un des attributs d'Allah Azzawajal. Il nous dit le shir, وَقَدْ تَكُونَ الصِّفَةُ الذَّاتِيَةً فِعْلِيَةً بِاعْتِبَارَيْنِ. Donc, l'attribut, il peut être à la fois propre à l'acte divin, ou ici propre à l'entité divine, et également propre à l'acte divin. On va prendre ici en compte deux aspects, deux considérations. Donc, à titre d'exemple, quel kalam ? Quel kalam ? فَإِنَّهُ بِاعْتِبَارِ أَصْلِي صِفَةٌ ذَاتِيَةٌ لأن الله تعالى لم يزل ولا يزال متكلما وباعتبار آحاد الكلام صفة فعلية لأن الكلام يتعلق بمشيئته يتكلم ما تشاء بما شاء كما في قوله تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. Donc, pour rentrer dans l'explication, le shir nous dit qu'à titre d'exemple, Al-Kalam, la parole d'Allah Azzawajal. Cet attribut, il est considéré comme étant propre à l'entité divine. Pourquoi cela ? لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمْ يَزَلْ وَلَا يَزَلْ مُتَكَلِّمًا. Pourquoi ? Parce qu'Allah Azzawajal, il est celui qui parle. Il a toujours parlé et il parlera toujours. Donc il est qualifié comme étant celui qui parle de manière constante, de manière continuelle. Donc à propos et par rapport à cela, on voit bien que ça rentre dans la première catégorie, les attributs propres à l'entité divine. Et on sait bien que la parole et le fait qu'Allah Azzawajal parle, c'est bien entendu un attribut qui relate de sa perfection subhanahu wa ta'ala. Contrairement aux divinités qui étaient adorées du temps de la Jahiliya, comme les idoles, etc., et qui n'avaient le pouvoir, eux, de parler, qui étaient donc naqis, c'est-à-dire imparfaits, alors qu'Allah Azzawajal, il est celui qui parle, ou amutakallim, c'est-à-dire qu'il parle, et que ce sifa, cet attribut, rentre bel et bien dans les attributs qui sont propres à l'entité divine. Donc, par rapport à son origine, l'origine de la parole, Allah Azzawajal ne cesse d'être qualifié par cet attribut. Par contre, maintenant, il nous dit le shir, wa bi'tibari ahadi al-kalam sifatun fi'liyah. Lorsqu'on parle de la parole, on dit donc la parole dans son origine, c'est-à-dire la parole de façon générale. Mais on dit également la parole, une parole bien précise, une parole qu'Allah Azzawajal va dire. Donc on va revenir ici à ce qui est beaucoup plus spécifique, et c'est ce qu'il a dit le shir, ce qu'il nous traduit le shir lorsqu'il exprime وَبِعْتِبَارِ أَحَادِ الْكَلَامِ, c'est-à-dire donc les paroles bien précises qui vont être dites par Allah Azzawajal. À ce moment-là, صِفَةٌ فِعْلِيَةٌ, à ce moment-là, en prenant compte de cela, sous cette considération, sous cet aspect, on va bien faire entrer cet attribut dans la deuxième catégorie, qui est sifatul fi'liya. Pourquoi cela ? Parce qu'on voit bien que cela, à ce moment-là, c'est-à-dire cet attribut, il est yata'allaq bimashi'ati. Il est rattaché et il est sujet à la volonté d'Allah Azzawajal. Pourquoi cela ? Parce qu'Allah, il parle quand il veut. Allah Azzawajal, il parle quand il veut. S'il veut, il parle, s'il veut, il ne parle pas. Donc on voit bien, c'est sous sa volonté. Par contre, le fait qu'Allah Azzawajal parle, de façon générale, qu'il est celui qui parle, subhanahu wa ta'ala, donc on voit bien que ça, c'est par rapport à son entité, c'est-à-dire propre, un attribut propre à son entité divine. La preuve qu'il va nous dire, le shir, que c'est également, sifatun fi'liya, un attribut propre à l'acte divin, c'est ce verset du Coran et qui est le suivant, إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. Donc on voit dans ce verset qui fit surat Yassin, le verset 82, on voit qu'Allah Azza wa Jal ici, il nous dit إذا أراد شيئا إنما أمره إذا أراد شيئا. Al-irada ici qui est cité à travers le verbe employé إذا أراد. Donc al-irada qui est la volonté d'Allah Azza wa Jal. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. أن يقول له كن فيكون. Donc on voit bien ici qu'Allah Azza wa Jal il a voulu et qu'ensuite donc il a dit, il a parlé. أن يقول له أن يقول. Donc ici est le قول. Donc elle قول qui est le كلام. أن يقول له كن فيكون. Quand il veut une chose, son commandement consiste à dire soit et c'est. Donc il dit, Allah Azza wa Jal, à ce moment-là, il parle et la chose advient. Elle devient existante. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. Donc on voit bien ici que القول بعد الإرادة. القول بعد الإرادة. On voit bien que la parole est advenue donc après la volonté d'Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal l'a voulu. Et ensuite donc, il a dit, subhanahu wa ta'ala. Donc ça prouve bien ici que cette parole qui va être à ce moment-là bien précise revient donc à la volonté d'Allah. Et que sous cet aspect-là, cet attribut qui est la parole, al-kalam, est bel et bien un attribut propre à l'acte divin. Mais al-kalam, le fait qu'Allah Azza wa Jal, il est qualifié par celui qui parle, c'est bel et bien un attribut qui est propre également à l'entité divine. Un autre exemple que l'on pourrait donner ici, c'est Al-Khalq, la création. Allah Azza wa Jal ou Al-Khaliq, Yakhluq. Donc Al-Khaliq, c'est bel et bien un attribut qui est propre à l'entité divine. Allah Azza wa Jal a toujours été qualifié comme étant le créateur. Il sera toujours qualifié comme étant le créateur. C'est propre à son entité, la création. Donc sous cet aspect-là, la création, cet attribut rentre dans la première catégorie. Et pour ce qui est de la deuxième catégorie, si Allah Azza wa Jal il veut, il crée. S'il veut, il crée. Donc s'il veut créer une chose, il la crée. Tayyib. Et on voit bien ici que dans le même verset, إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونَ. Donc c'est également ici, donc de par sa parole, cela advient. C'est bel et bien ici une création. Donc il l'a créée au moment où il a voulu. Lorsqu'il lui a dit soit, elle fut. Donc c'était une création. Et cette création, elle a venu après qu'Allah Azza wa Jal ait voulu. Donc dans ce sens-là, pour ce qui est de la création bien précise, par exemple la création d'un être humain ou autre, on voit que ça revient bien à ce qu'Allah Azza wa Jal a voulu. Donc à ce moment-là, ça rentre bien dans ce qui est de As-Sifatul Fi'liya. Donc sous ces deux aspects, ils rentrent dans les deux catégories. Ça donc, c'est des exemples que l'on a donnés pour prouver bel et bien qu'il y a des attributs d'Allah Azza wa Jal qui rentrent dans les deux catégories. Et c'est suivant, bien entendu, les aspects comme on a expliqué et cité. Et il nous dit le shir, « Wa kullu sifatin ta'allaqat bi mashi'atihi ta'ala » فإنها تابعة لحكمته وقد تكون الحكمة معلومة لنا وقد نعجز عن إدراكها لكننا نعلم علم اليقين أنه سبحانه لا يشاء شيئا إلا وهو موافق للحكمة كما يشير إلى قوله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. Donc il nous dit le shir que tous les attributs, kullu sifat, ta'allaqat bimashi'ati, tous les attributs qui sont rattachés donc à la volonté d'Allah Azza wa Jal, suivent ici donc une sagesse. C'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jal, lorsqu'il a voulu quelque chose, c'est par sagesse, subhanahu wa ta'ala. Donc elles suivent cette sagesse. Tous ces attributs qui reviennent donc et qui se rattachent à la volonté d'Allah Azza wa Jal, qui sont donc dits sifatun fi'liya, des attributs propres. à l'acte divin, ils suivent donc la sagesse d'Allah Azzawajal. فَإِنَّهَا تَابِعَةٌ لِحِكْمَتِي. Et cette sagesse, c'est vrai que c'est un point qui est très important et fondamental dans notre croyance, la croyance de tout musulman, c'est que cette sagesse, comme il dit le shir, قَدْ تَكُنَ الْحِكْمَةُ مَعْلُومَةً لَنَا, c'est-à-dire qu'elle peut tantôt être connue de nous, c'est-à-dire qu'on est science de cette hikmah. Allah Azza wa Jal nous a fait part de ça, de sa sagesse dans la création de telle ou telle chose. Mais il se peut également que la personne ait l'incapacité de connaître cette sagesse, de parvenir à comprendre ou à savoir cette sagesse, car on sait que l'homme il est faible par rapport à sa compréhension et qu'il a des limites, qu'Allah Azza wa Jal lui a placé des limites. Par contre, ce que l'on sait, et ça il nous dit le shir, ilm al-yaqin, donc par certitude absolue, par une grande certitude, on sait que Allah Azza wa Jal, il a voulu, lorsqu'il a voulu quelque chose, il l'a voulu uniquement de par sa sagesse, ou alors qu'elle est en accord total avec sa sagesse. Et il nous a cité le verset du Coran, qui était le suivant, fi surat al-insan, et qui est le verset 30, Allah Azza wa Jal yaqul, wa ma tasha'una illa an yasha'a Allah, inna Allah kana aliman hakima. Donc, cependant, vous ne saurez vouloir à moins qu'Allah veuille. Et Allah est omniscient et sage. Ma wa wajhu ad-dalala wajhu al-istidlal fi hadhihi al-aya. Simplement qu'Allah Azza wa Jal, en ce verset, dit wa ma tasha'una illa an yasha Allah. Donc, il nous cite d'abord sa volonté. Taïb, illa an yasha Allah. Sauf si Allah Azza wa Jal veut. Après qu'il nous a cité sa volonté, il va nous citer Allah subhanahu wa ta'ala, un de ses attributs, même deux de ses attributs. Et on sait que ces attributs qui sont compris dans les noms, donc ces deux noms qui sont cités ici, on en tire deux attributs. Inna Allah kana aliman hakima. Et on sait que dans les versets du Coran, lorsqu'Allah Azza wa Jal cite un attribut, ou alors il cite plus précisément un verset, il cite plus précisément un nom, un de ces noms, à la suite donc d'un verset, on sait qu'il y a un rapport, qu'on le sache ou qu'on ne le sache pas, qu'il y a également ici une sagesse, qu'on le sache ou qu'on ne le sache pas, qu'il y a un rapport avec ce qui a été cité. On avait déjà mis en évidence cela dans des cours précédents. À la kulli hal ici, lorsqu'Allah Azza wa Jal, après avoir cité sa volonté, et qu'on ne peut vouloir une chose, sauf si Allah Azza wa Jal veut, il nous dit « Inna Allah kana aliman hakima ». C'est-à-dire que cette volonté, lorsqu'il a cité le nom « hakiman », elle est tout simplement en fonction de sa sagesse. Pourquoi ? Parce qu'il a cité ce nom, et ici, le fait qu'il a cité ce nom à la fin, « Inna Allah kana aliman hakima », ça a voulu dire que cette volonté qui était citée au premier, elle est directement reliée à la sagesse d'Allah Azza wa Jal. C'est dans ce sens, c'est comme ça qu'on montre l'aspect argumentatif du verset, également de par sa science. Également donc, de par sa science. Inna Allah kana aliman hakima. Donc de par sa science et de par sa sagesse. Ici, wajal istidlal, par rapport à ce qu'a voulu dire le shir, c'est que sa volonté est toujours en correspondance ou en accord avec sa sagesse. Parce qu'Allah, après avoir cité la volonté ici, il a cité son nom qui est le sage. Et on a su donc par là qu'à partir de la citation de ce nom, Allah Azza wa Jal a voulu dire que sa volonté était en accord avec sa sagesse. Ensuite, il va passer le shir à la sixième règle. Et ici, une précision que l'on va donner. Lorsqu'on a dit que Al-Kalam, la parole d'Allah Azza wa Jal, rentrait dans les deux catégories, il faut savoir que, pour ce qui est des Al-Asha'ira, parmi les innovateurs, également Al-Maturidiya, Al-Kullabiya, et ceux qui ont suivi leur voie dans l'égarement, et plus précisément dans leur croyance par rapport à ce qu'était Al-Kalam, eux, ils voient que Al-Kalam, c'est uniquement Sifatun Dhatiya. C'est-à-dire que la parole d'Allah Azza wa Jal, c'est uniquement un attribut qui est propre à l'entité divine. Et pourquoi cela ? Qu'est-ce qu'elle va être le résultat de cette croyance, du fait qu'ils affirment uniquement que la parole d'Allah Azza wa Jal, c'est uniquement un attribut qui est propre à l'entité ? Pourquoi ? Parce qu'ils disent que Al-Kalam, c'est quelque chose qui est en Allah Azza wa Jal et qui ne ressort pas d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce que l'on va entendre d'Allah subhanahu wa ta'ala comme parole, c'est quelque chose qui est créé. Al-Masmour Makhlouq. Al-Kalam, Wal-Qaim bin Nafs. C'est ce qui va donc uniquement être en Allah Azzawajal et qui ne va jamais ressortir, c'est-à-dire que personne ne peut l'entendre. Ce que l'on va entendre, nous, c'est ce qui est créé. Donc, ils disent que Al-Kalam, la parole, Allah Azzawajal, il parle, mais c'est quelque chose qui est propre à son entité uniquement. Mais pour ce qui est donc Al-Fi'l, pour ce qui est donc de l'acte, le fait de parler, eux, ils ne voient pas ici que c'est un attribut qui est propre à l'acte divin. Pourquoi ? Parce qu'ils disent que ce que Allah Azzawajal, ou lorsque Allah Azzawajal, il veut faire entendre à ses créatures, ce que l'on va entendre, c'est ça a été créé. Et c'est Al-Ibara, c'est-à-dire l'expression de ce qu'Allah Azzawajal, il a voulu faire comprendre à ses créatures. Pourquoi ? Parce qu'il n'atteste pas en réalité que Al-Kalam, que la parole, c'est un attribut qui est propre à l'acte divin. C'est-à-dire qu'Allah Azzawajal, s'il veut, il parle, s'il veut, et il ne parle pas. Eux, ils n'attestent pas cela. Ils ont uniquement attesté que c'est un attribut qui va être propre à l'entité divine. Et donc, à partir de là, pour ce qui était de beaucoup de leurs croyances, ils ont dit donc que Al-Masmour, tout ce qui va être entendu dans Allah Azzawajal, c'est makhlouq. C'est-à-dire donc, c'est créé. Ayyadun billah. Yaqul al-shir fil qa'idat al-sadisa يلزم في إثبات الصفات التخلي عن محظورين عظيمين أحدهما التمثيل والثاني التكييف. Donc il va nous dire le shir que pour ce qui est de l'ithbat, et on sait que les gens de la sunna du consensus, ils attestent les attributs d'Allah Azzawajal, ceux qui ont été attestés, et on va voir ensuite à la fin de ces règles que le shir il va nous donner les méthodes pour connaître et pour attester les attributs d'Allah Azzawajal. Donc pour ce qui est de l'attestation de ces attributs qu'Allah Azzawajal s'est attesté, que ce soit dans le Coran ou alors dans la Sunna authentique, il nous dit le shir que il est impératif que celui donc qui atteste ces attributs, il s'écarte de deux interdictions, de deux grandes interdictions qui ont des conséquences néfastes, rien de billah, sur la croyance. La première, c'est ce qu'on appelle at-tamthil. At-tamthil. Et que l'on peut traduire ici par l'anthropomorphisme. At-tamthil. C'est le fait de faire ressembler Allah Azzawajal à ses créatures, ou également faire ressembler ses créatures à Allah Azzawajal. On verra que il y a deux façons ici. Lorsqu'on dit un tamfil, on va voir qu'il y a deux sortes. Ça, c'est donc un tamfil qu'on traduit par l'anthropomorphisme. Donc le fait de faire ressembler à Allah, ou de faire ressembler Naam à Allah, une créature. Wathani at-takif. At-takif. At-takif. On dit takif, on se rappelle donc kaifa. Kaifa, c'est comment. Lorsqu'on dit kaifa, kaifa hal, comment ça va. Takif ici, c'est donc le fait de donner une explication sur le comment des attributs. Le fait donc de donner une explication sur le comment des attributs. C'est ce qu'on traduit par takif. Et ça, c'est important de le citer comme cela, parce que lorsqu'on parle de Al-Kaifiyya, Kaifiyyatus Sifat, les gens de la Sunna du consensus, ils ne nient pas Al-Kaifiyya. Ils ne nient pas qu'Allah Azzawajal, il a un comment dans ses attributs. Mais ce qu'ils nient, c'est de comprendre, ou alors d'essayer d'expliquer le comment des attributs. C'est ce qui est ici interdit. C'est pour ça, comme on le verra un peu plus tard, lorsque l'imam Malik, qui est connu de la parole, comme étant la parole de l'imam Malik, mais qui était la parole de beaucoup des salafs, hein, pas uniquement de l'imam Malik, qui était la parole également de son cher, Rabi'a et d'autres encore. Lorsqu'il a dit, wal kayf ghayru ma'qul, lorsqu'on a posé la question sur l'istiwa, comment Allah Azzawajal s'est établi. Il a dit, wal kayf ghayru ma'qul, c'est-à-dire que l'imam Malik, il n'a pas renié qu'il y avait bien ici un comment pour ce qui était, à titre d'exemple, ici à l'Istiwa. Mais il a dit, ce qu'il a renié, c'est ma'na al-kayf. C'est-à-dire qu'on essaye de comprendre le comment et de donner une explication au comment. C'est ça qui nous est strictement interdit. C'est pour ça qu'il a dit wal-kayf ou ghayru ma'qul. C'est quelque chose qu'on ne peut donc comprendre à la base même. Donc on ne cherche pas à comprendre le comment des attributs parce qu'on ne peut pas le comprendre. Mais est-ce qu'ils ont un comment? C'est-à-dire un kayfiyya? Non, ils ont un kayfiyya. Sauf que nous, on ne peut atteindre de par notre science cela. Donc ça nous est strictement interdit de même y réfléchir dessus, de même y penser dessus. C'est ce qui est interdit lorsqu'on dit ce terme « attaqif » pour être bien précis. Lorsqu'on dit ce terme « attaqif ». Donc ici, deux interdictions. « Wa nahnu fi bab al-ithbat » taban. C'est-à-dire qu'on est bel et bien ici dans ce qui concerne l'attestation des attributs. Le premier c'est At-Tamthil et le deuxième c'est At-Takif. Donc ne pas donner des ressemblants à Allah Azzawajal. Et le deuxième, ne pas donner l'explication du comment des attributs d'Allah Azzawajal. Et ici, on voit bien qu'on est fil ithbat. Sinon, il y a encore d'autres choses que l'on doit s'écarter. Comme At-Ta'til, le fait de renier. Ou At-Tahrif, le fait d'interpréter les attributs. Mais pour ce qui est de At-Ta'til, pour ce qui est de At-Tahrif ou An-Nafi, yani At-Ta'til ou An-Nafi ou At-Tahrif, ça rentre dans Fibab al-Nafi, c'est-à-dire ça rentre dans ce qui est de l'ordre de la négation, non de l'attestation. Pour ce qui est de l'attestation, donc c'est deux choses qui rentrent dedans, At-Tamthil, At-Takif. C'est pour ça que le Cheikh a cité uniquement ces deux. Il nous dit le Cheikh, فَأَمَّ التَّمْثِيلِ. Donc il commence par la première interdiction qui est donc ici التَّمْثِيلِ. Il nous dit فَوَا اِعْتِقَادُ الْمُثْبِتِ أَنَّمَا أَثْبَتَهُ مِنْ سِفَاتِ اللَّهِ تَعَالَى مُمَاثِلٌ لِسِفَاتِ الْمَخْلُوقِينَ وَهَذَا اِعْتِقَادٌ بَاطِلٌ بِدَلِيلِ السَّمْعِ وَالْعَقْلِ. Il nous dit donc qu'est-ce que c'est التَّمْثِيلِ. Il nous a dit le Cheikh, c'est la croyance que l'attribut qui va donc être attesté et affirmé parmi les attributs d'Allah Azzawajal est comparable à celui des créatures, tout simplement. Et comme il nous dit, c'est une croyance qui est strictement nulle, batil. Et cela en référence au Coran, à la Sunna, à la raison humaine, c'est-à-dire al-Sam qui rentre dedans le Coran ou la Sunna, et al-Aql qui est bien entendu la raison, c'est-à-dire qu'il va nous donner des preuves du Coran et de la Sunna, plus précisément du Coran. Il va nous donner des preuves également de par notre propre raisonnement, que cela est strictement impossible, que l'on fasse cet acte-là de at-tamthil, d'anthropomorphisme, pour ce qui est de les attributs d'Allah Azza wa Jal, et le fait d'affirmer donc ces attributs, comme Allah Azza wa Jal les a attestés dans son Coran, dans la Sunna authentique. Il nous dit au Shir, Amma sam, faminhu qawluhu, laysa kamithli shay, wa qawluhu, أَفَمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لَا يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ وَقَوْلُهُ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيَّةً وَقَوْلُهُ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. Donc dans ces versets, Allah Azza wa Jal, de manière plus qu'évidente, et ça donc c'est l'épreuve du Coran, démontre que rien ne ressemble à Allah Azza wa Jal. Rien, rien du tout. De ces créatures, de n'importe quelle créature, de tout ce qui est créé, tout ce qui est en dehors d'Allah, rien ne ressemble à Allah. Tout ce qui est en dehors d'Allah, rien ne ressemble à Allah. Laysa kamithli shay. Pour ce qui est de ce premier verset, laysa kamithli shay, et que l'on traduit, il n'y a rien qui lui ressemble. Lorsqu'on regarde le verset en lui-même, laysa, on voit le kaf. Et ensuite, al-mithl, yani kamithli shay. Et pour ce qui est de la compréhension de ce verset, il y a des divergences chez les savants. Sachant que Al-Kaf ici, au niveau de la langue arabe, il signifie également Al-Mithl. Donc si on le traduirait par Al-Mithl, ça nous donnerait Laysa Mithla Mithli Shay. Laysa Mithla Mithli Shay. C'est-à-dire il n'y a rien qui ressemble à ce qui lui ressemble. Il n'y a rien qui ressemble à lui de ce qui lui ressemble. Ça veut dire tout simplement qu'on aurait attesté à Allah Azzawajal la ressemblance. Ou alors qu'on aurait attesté qu'Allah Azza wa Jal vu qu'ici il y a un tanaqud, une contradiction, donc les savants ont divergé par rapport à l'interprétation donc du kaf. Pourquoi il est venu ici le kaf? Et quelle était la sagesse d'Allah Azzawajal dans la citation de Al-Kaf ici? Car, comme on l'a cité, Al-Mithl, c'est pour vouloir dire Al-Tashbih, ou Al-Kaf également pour vouloir dire Al-Tashbih. Donc le fait de dire Laysa Mithla Mithli Shay, il n'y a rien qui ressemble à ce qui ressemble à Allah Azzawajal, c'est soit donc on va attester une ressemblance à Allah Azzawajal, ou alors on va tout simplement, de par cette contradiction, on va attester qu'Allah Azzawajal, voilà, on va tester le néant ici. On va tester le néant par rapport à Allah Azzawajal. Donc c'est complètement faux pour ce qui est d'une compréhension telle. Donc les savants, ils sont divergés. Certains ont dit, en quatre avis principalement, certains ont dit ici qu'al-kaf zaït, c'est-à-dire les samith laouché. Les samith laouché. Bimarna les samith laouché. Donc rien ne lui ressemble. Et bien entendu ici, Al-Kaf, il vient, Mibab al-Tawkit. Il vient donc pour appuyer. Il est Zaïd par rapport au sens du texte, mais sa fonction, c'est Tawkit. C'est-à-dire qu'il vient appuyer le fait que rien ne ressemblera à Allah. Les Sakamith al-Ishé. Yani bimana ouna, les Samith la-Ushé. Taïb. Et c'est vrai que lorsqu'on regarde dans la langue arabe, on utilise beaucoup Al-Mithl lorsqu'il vient, ou alors Al-Kaf, lorsqu'il vient titre de Tawkit et Zaïd. À titre d'exemple, on dit wa mithluk yukram, wa mithluk yukram, c'est-à-dire quelqu'un comme toi, on lui fait un ikram, c'est-à-dire qu'on lui fait honneur, etc. Donc le fait d'avoir dit, et ça revient à dire anta yukram, c'est-à-dire toi, on te fait honneur, c'est-à-dire de plus forte raison, toi, on va te faire honneur. Donc les Arabes, ils utilisent beaucoup, c'est un procédé qui revient beaucoup dans la langue arabe. D'autres qui ont dit que ici Zaïd c'est Al-Mithl, c'est-à-dire Leysa, et bien entendu ici Taqdir, sous-entendu Leysa Kahoua Shay, Leysa Kahoua Shay, c'est-à-dire il n'y a rien comme lui, il n'y a rien donc qui lui ressemble, Leysa Kahoua Shay. Et d'autres qui ont dit que Marna Al-Mithl ici, Fi Qawli Leysa Kamithlihi, Bimarna Zat, Yani Leysa Kazati Shay, Leysa. Et ça, c'est une parole qui est loin. C'est une parole qui est loin par rapport à l'interprétation du mith par al-dhat. Et d'autres qui ont dit que al-mith bimarna sifa. Yani bimarna lesa ka sifati ishe. Lesa ka sifati ishe. C'est-à-dire, donc, dans celui précédemment, rien ne ressemble à l'entité d'Allah. Et dans le deuxième, rien ne ressemble aux attributs d'Allah. Lesa ka sifati ishe. Et ils ont pris, bien entendu, comme exemple, un des versets du Coran, وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى. Et Allah Azza wa Jal, et on sait que al-mathal c'est al-wasf. Al-mathal c'est ma'na al-wasf. Donc on voit ici que al-mathal il vient également du ma'na al-mithl. C'est-à-dire qu'al-mathal ou al-mithl c'est la même chose. C'est pour ça qu'ils ont dit donc ma'na également ici laysa kasifati shay, remplaçant al-mithl du ma'na donc al-mathal. Ou alors à Sifa. Et à la kulli hal, pour ce qui est de la parole qui est la plus forte, par rapport aux règles de la langue arabe, c'est que Al-Kaf ici, ou Al-Zaïd. C'est-à-dire Al-Kaf, c'est celui qui est en plus. Et qu'il a été rajouté, Mimbab et Tawkid, il a été rajouté pour appuyer la signification. Et la signification ici qui est la négation de l'anthropomorphisme, la négation qu'Allah Azzawajal puisse ressembler à une de ses créatures. Laysa kamithli shay. Donc ça c'est pour ce qui est de ce verset. Et les autres versets également qu'il a cités, celui qui crée est-il semblable à celui qui ne crée pas, ou qui ne crée rien, ne vous souvenez-vous pas? Donc on voit ici qu'Allah Azzawajal, il prouve que rien ne ressemble à Allah Azzawajal, que tout ce que vous adorez, ils n'ont pas la capacité de créer. Donc ils ne ressemblent aucunement à Allah Azzawajal. Et également cette parole hal ta'lamu lahu samiyya. Donc la parole d'Allah Azzawajal hal ta'lamu lahu samiyya wa sami huwa al-kuf huwa al-nit, c'est-à-dire donc le semblable. Est-ce que tu connais à Allah Azzawajal un semblable? Et également le verset wa lam yakul lahu kufuwan ahad. et nul n'est égal à lui. Donc rien n'est égal à Allah Azzawajalla, rien du tout, absolument rien, que ce soit dans son entité, que ce soit dans ses attributs, rien n'est égal, rien ne ressemble à Allah. Ça, c'est des versets qui sont plus que clairs, que l'anthropomorphisme dans la croyance musulmane est strictement interdit, et elle est bannie, et elle est rejetée. Il nous dit le shirk ou am al-aql, pour ce qui est de al-aql, de par notre raisonnement. Ici, c'est de manière différente, on va prouver la nullité de cela, c'est-à-dire al-tanfil, de par al-aql, de par donc notre raisonnement. Il nous dit le shirk al-awwal. أنه قد علم بالضرورة أن بين الخالق والمخلوق تبيانا في الذات وهذا يستلزم أن يكون بينهما تباين في الصفات لأن صفة كل موصوف تليق به كما هو الظاهر في صفة المخلوقات المتباينة في الذوات فقوة البعير مثلا غير قوة الذرة فإذا ظهر التباين بين المخلوقات مع اشتراكها مع اشتراكها في الإمكان والحدوث فظهور التباين بينهم أو بينها وبين الخالق أجلى وأقوى. Ici donc la première argumentation logique de par notre raisonnement, c'est que l'on dit qu'il y a nécessairement entre le créateur et la création une différence au niveau de l'être, au niveau de l'entité. C'est-à-dire qu'on ne peut dire qu'Allah Azzawajal, de par son entité, est comme l'être créé dans son entité. Et sa personne ne peut affirmer cela. Celui qui a la raison, il ne peut affirmer cela. Cela va impliquer qu'il y a nécessairement une différence entre eux au niveau des attributs. Au niveau des attributs. Pourquoi ? Parce que l'attribut est spécifique à celui qui en est qualifié. Enam. C'est-à-dire maintenant, si j'affirme que l'entité divine est différente de l'entité de la créature, à titre d'exemple de l'être humain. Cela va impliquer que les attributs qui sont rattachés aux êtres, que ce soit l'être divin, l'entité divine, ou alors les entités humaines, elles sont propres à elles, et elles sont spécifiques à elles. Donc automatiquement, elles seront également différentes. Et elle n'y aura aucune ressemblance. Donc si je dis maintenant, l'entité divine est complètement différente et on ne peut faire de ressemblance entre elle et l'entité ou l'être humain, automatiquement, les attributs qui vont être propres à chacun d'eux, ils sont automatiquement différents. Et non, parce que l'attribut va être spécifique à l'entité. Donc si l'entité est différente, les attributs de même. Et il nous dit le shir, pour argumenter encore plus pour ce qui est de ce premier point, c'est qu'on s'aperçoit de cela lorsqu'on compare les créatures et qu'il y a des différences dans leur attribut. Et si maintenant on parle à titre d'exemple, il nous dit le shir de al-quwa, de la force, on va s'apercevoir que quwa al-ba'ir, c'est-à-dire la force du dromadaire, on appelle une force. Le dromadaire a bel et bien une force, ça c'est un attribut. Un duqwa, il a une force. Ça n'a rien à voir avec la force de al-dharra, ce qu'on peut traduire donc par ce qui est infiniment petit, l'atome ou autre, quwa al-dharra. Sachant qu'ils ont également une force, il n'y a aucune ressemblance entre ces deux forces, alors que, malgré que, il y a ici une association au niveau de la faculté, au niveau des faits. Au niveau de la faculté, Félimkano, au niveau des faits, il y a ici une association. Malgré que Adil Kouwa, elle est totalement différente de celle qui est pour ou qui est propre au dromadaire et celle qui est propre à l'atome, ce qui est infiniment petit. Il nous dit Fadhur tabayuni baynaha ou bayna al-khaliq ajla wa aqwa. C'est-à-dire maintenant, si on sait cela automatiquement, on va savoir que l'apparence et l'évidence de la différence entre la créature et le créateur est bien plus grande et plus importante. Enam. C'est-à-dire qu'il n'y a ici aucune différence. Ça, c'est la première chose que l'on constate de par notre raisonnement. Pour bien et bien prouver qu'il n'y a aucunement à faire acte d'anthropomorphisme entre le créateur et la créature. Le deuxième point nous dit le shir al-thani an yuqal كيف يكون الرب الخالق الكامل من جميع الوجوه مشابها في صفاته للمخلوق المربوب الناقص المفتقر إلى من يكمله وهل اعتقاد ذلك إلا تنقص لحق الخالق فإن التشبيه الكامل بالناقص يجعله ناقصا. نعم. Si maintenant on veut donc comparer entre le Seigneur et que l'on se dise donc comment se peut peut-on comparer entre le Seigneur, créateur et parfait, sous tous les aspects, avec celui qui est la créature asservie et imparfaite? Comment on va faire une comparaison entre les attributs du Seigneur et les attributs de celui qui est asservi? Celui qui est asservi et qui a besoin qu'on lui apporte donc une perfection. Il nous dit le shir, celui qui croit cela, c'est tout simplement celui qui va diminuer la spécificité du Créateur, le droit du Créateur. Comment comparer celui qui a créé et la créature? Comment comparer les attributs qui sont propres au Créateur et les attributs qui sont propres aux créatures? La créature qui est cette pauvre créature, qui est imparfaite, qui est asservie, alors que le Créateur, c'est lui le parfait, subhanahu wa ta'ala. الرب الخالق الكامل. Donc le fait de faire une ressemblance entre ces deux, c'est tout simplement faire une ressemblance entre la perfection et l'imperfection. Donc faire une ressemblance avec cette perfection, de par cette imperfection ou par cette imperfection, ça rendra donc cette perfection imparfaite. Ayadan billah. Donc on voit que c'est strictement également d'un point de vue logique et par raisonnement, c'est strictement impossible. والثالث ندي للشيخ le dernier raisonnement أننا نشاهد في المخلوقات ما يتفق في الأسماء ويختلف في الحقيقة والكيفية فنشاهد أن للإنسان يدا ليست كيد الفيل ولو قوة ليست كقوة الجمال مع الاتفاق في الاسم فهذه يد وهذه يد وهذه قوة وهذه قوة وبينهما تباين في الكيفية والوصف فعلم بذلك أن الاتفاق في الاسم لا يلزم منه الاتفاق في الحقيقة. Donc on voit ici que le shirk, il nous dit dans ce troisième point, que l'on va voir de nous-mêmes, que l'on va s'apercevoir qu'il y a des créatures qui, de par leur attribut, ont des choses qui sont communes dans la nomination, mais qui vont être totalement différentes dans leur réalité et dans leur commun. Il va nous donner un exemple, le shirk. À titre d'exemple, l'homme, il a une main. Cette main-là, ce n'est pas comme la main de l'éléphant. La main de l'éléphant. Il y a des fils, car en arabe, donc, pour citer la patte de l'éléphant, on dit Eliat. On dit Eliat également. Donc on voit bien qu'on emploie le même terme, Eliat, en arabe. Et pourtant, ici, il y a bien une différence entre la main de l'homme et la main de l'éléphant. De même, pour ce qui est de l'Quwa, on voit bien qu'il y a une différence entre la force de l'homme et la force du dromadaire, à titre d'exemple. Alors qu'ils ont tous le même nom, la même nomination. On dit Yad pour ce qui est de l'homme, on dit Yad également pour ce qui est de l'éléphant. De même pour ce qui est de la force. Donc ici, s'il y a bel et bien une différence entre le comment et la description de ces créatures, alors on va savoir, et ça de manière plus que claire et de par notre raisonnement, que le fait qu'il y a une association dans le nom, cela ne veut pas dire qu'il y a une association dans la réalité. Ça se peut qu'on dise que cette créature a une main, et que cette créature a une main, on l'appelle les deux, Yad ou Yad, mais que dans la réalité c'est totalement différent. Donc ici de même pour Allah Azzawajal, lorsqu'on dit qu'Allah Azzawajal, Yadullah, lorsqu'Allah Azzawajal il a une main, et qu'on appelle ce terme Yad, et on sait également que l'homme, et on appelle la main de l'homme Yad également, on sait que même s'il y a une association dans le nom, en réalité c'est totalement différent, il n'y a aucune comparaison donc ici à faire. Donc de même, Mais par ce raisonnement, on s'aperçoit qu'il n'y a aucune possibilité, manière, de par notre raisonnement, de faire ou de tomber dans l'anthropomorphisme. Ensuite, le shir va nous dire وَالتَّشْبِيهُ كَالتَّمْثِيلِ وَالتَّشْبِيهُ كَالتَّمْثِيلِ وَقَدْ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا بِأَنَّ التَّمْثِيلَ التَّسْوِيَةُ فِي كُلِّ الصِّفَاتِ وَالتَّشْبِيهُ التَّسْوِيَةُ فِي أَكْثَرِ الصِّفَاتِ لكن التعبير بنفي التمثيل أولى لموافقة القرآن ليس كمثل شيء. Donc simplement le shir va ici nous faire la différence entre deux termes qui sont employés lorsqu'on dit التَّشْبِيهُ et lorsqu'on dit التَّمْثِيلِ. Ces deux termes on les a déjà expliqués et on a dit pourquoi on faisait la différence entre eux et pourquoi on préférait le terme التَّمْثِيلِ. Sachant que certains savants font la différence entre eux en disant que التَّشْبِيهُ c'est le fait de donner une ressemblance entre deux choses sous certains aspects, pas sur tous les aspects. C'est-à-dire que on dise, petit exemple, que cette personne, elle ressemble à cette personne par rapport à al-karama, par rapport donc à leur générosité ou certaines façons de faire, etc. Ça ne veut pas dire qu'ils sont ressemblants en toute chose. Ça, c'est au niveau de la langue arabe, bien entendu, at-tashbih. Pour ce qui est par contre de at-tamthil, at-tamthil, c'est tout simplement le fait de faire ressembler une personne à une personne, à titre d'exemple, sous tous les aspects. Sous tous les aspects. C'est-à-dire dire que cette personne, c'est le sosie de cette personne et qu'ils ont les mêmes manières, etc. Ça, bien entendu, c'est tout simplement pour expliquer le terme au niveau de la langue arabe. At-tashbih ou at-tamthil et faire la différence entre les deux. Donc, at-tashbih, pour ce qui est des créatures et du créateur, ce serait donc faire apparaître certains aspects ou plutôt dire certains aspects entre des aspects de ressemblance entre Allah et ses créatures. Et on a dit que at-tashbih, il y a deux sortes de at-tashbih, le fait de faire ressembler Allah à ses créatures, le fait de faire ressembler ses créatures à Allah, comme par exemple le fait de dire la main de l'homme c'est comme la main d'Allah, ayadun billah. Ici on a fait un at-tashbih bena al, on a fait ressembler Allah à sa créature, ayadun billah. Il y a aussi le sens inverse, c'est-à-dire le fait de donner à un être humain ce qui est spécifique à Allah azawajal, ce qui est uniquement les attributs d'Allah azawajal, comme le fait, titre d'exemple, de décrire le prophète comme ayant des attributs qui sont propres à la seigneurie d'Allah azawajal, la souveraineté d'Allah, ou alors qui sont propres à les attributs d'Allah azawajal. Ça, c'est dans l'autre sens. C'est donc une deuxième catégorie. À la kulli hal, ici, on a fait un acte de ressemblance sous certains aspects, pas tous les aspects. Par contre, tamthil, c'est ici faire ressemblance sous tous les aspects. Et de dire c'est strictement identique. C'est strictement donc identique. C'est une différence entre at-tashbih ou at-tamthil. Mais le shir ici nous a dit que at-tamthil, malgré tout, c'était plus approprié de le dire. D'après ce qu'on a cité précédemment, et comme il nous le rappelle ici, parce que c'est le terme qui est employé dans le Coran, comme dans le verset, Lesa ka mithli shi, donc al-mithli ici, quel moment a fala, qui est at-tamthil. Ensuite, le shir va rentrer dans ce qui est at-takif, ce qu'on verra la semaine prochaine. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa